Salut à toutes et à tous, bienvenue pour Vidéotop. Aujourd'hui, Zac Efron va nous faire verser une petite larme. Charlie est le héros de son lycée, l'idole de sa mère, Claire, et de son petit frère, Sam. Navigateur accompli, il a obtenu une bourse de l'université de Stanford et s'apprête à quitter le village côtier de son enfance. C'est alors qu'un drame remet brutalement en cause son brillant ami. On remonte au vent! Vire à mon signal! J'ai pas assez de force! Et c'est quand même Sammy! Maintenant! Je vais faire des heures sup. Toi, tu t'occupes de Sam. On va faire un pacte. Je m'entraîne avec toi tous les jours jusqu'à mon départ pour Stanford. T'as trop envie de partir, hein? Je vais pas te laisser tomber. C'est ce que papa disait. Je ne suis pas papa. Charlie? C'est mon frère! Sam! T'es en retard. On avait fait un pacte tous les deux. Je sais, ça tient toujours. Promis juré. Le jeune Charlie, là-haut, ça tourne pas rond. Qu'est-ce que tu fabriques? Je regardais ton bateau, excuse-moi de t'avoir fait peur. Tu me fais pas peur. Aujourd'hui, tu vas travailler les balles glissantes. Un, deux, trois. Tu veux bien dîner avec moi ce soir? Tu cuisines bien? Le secret de Charlie, un DVD Universal.